Je suis curé au diocèse de Landivisiau. Je me confesse à toi, Seigneur, parce que je ne saurais le faire auprès d'un confrère, malgré l'absolue confiance que j'ai dans les services de reclassement de l'archevêché finistérien. Je suis responsable d'une demi-douzaine de divisions de scouts d'Europe. Et si j'éprouve aujourd'hui le besoin de me confesser, c'est parce que la honte et la culpabilité me sont devenues insoutenables et quotidiennes. Ces jeunes garçons sont l'espoir d'une France revigorée, prête à se redresser, fière et monolithique, unie sous la bannière rouge et or, au cœur gisant du Christ Tout-Puissant. Je suis tellement honoré, tellement profondément fier d'avoir été investi de cette mission sacerdotale et d'inculquer à ces enfants, dans leur fraîcheur spirituelle, et d'éclairer cette candeur laiteuse si caractéristique de ces adolescents avides de découvrir le monde. Mais Seigneur, pourquoi m'infliger cette épreuve? Le malin m'assaille, mon Dieu, dans votre infinie miséricorde. La raison de votre absence dans ces instants d'abjection où je suis seul. Seul face à la tentation bestiale de Lucifer. Et mystérieuse et infiniment cruelle pour votre serviteur, Seigneur. Pourquoi ces petits corps, si fragiles, pleins de la vigueur de l'enfance, innocents et gracieux, m'inspirent-ils un désir si puissant et insurmontable? Où souhaitez-vous m'emmener, Seigneur? Seigneur pitié, et serais-je face à vous lorsque je monterai parmi les anges définitivement coupable? Où serez-vous pesé en regard de mon ignoble péché, ce noir secret tapis dans mon corps et dans mon âme? Le poids incontestable de mes bonnes actions pour la communauté. Ô Christ, Fils meurtri de la Vierge, qui a su prendre les péchés du monde dans tes plaies, sauras-tu laver ton serviteur du péché de sodomie sur la forme la plus pure de l'innocence? Je te supplie, mon Dieu, et m'en remets à ton infinie faculté de pardon. Protège-moi de ces démons. Je ne suis soumis qu'à ton verbe créateur et purificateur. Seigneur, par pitié. Mm-hmm.